Est-ce que la route de l'errance reynaldienne se veut aussi populaire que la route 66? Oh oh! Aujourd'hui, on se fait plaisir, là. Aujourd'hui, le lundi 10 août. 10 août? Ça vaut pas plus cher que ça! Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Reynaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Fring! Vous savez, le fring, c'est un fring qui amène l'extravagance, qui propose l'incommensurable. Incommensurable. Comment t'écris ça, incommensurable? Arrête de me dire comment on écrit tout ça. Incommensurable. Mais avant de s'attarder comme des savants sur... saviez-vous? Pose pas cette question-là. Tu vas avoir des résultats aussi imbéciles que la question que tu vas lancer. Mais les savants, ceux qu'on appelle les savants, que les savants s'avancent, que les idiots reculent, que la normalité reste ici, c'est ça la vie! Non, mais il y en a, là. Je parle des savants. Ou des gens qui font de la recherche, là, scientifique, mais très profondément sur la société. Pas sur la société, sur l'univers, sur l'humain, sur Georgette. Ben oui, pourquoi pas Georgette? Est humain, comme disait Yvon Deschamps, est humaine. Mais elle est plus humide, elle, de ces temps-ci. Elle a chaud. J'ai chaud pour elle, moi. J'ai même mentionné il y a quelques jours, je sais pas pourquoi il clignote, il me fait des clins d'œil. OK, il n'est pas sûr s'il est sur la... Ah oui, s'il fonctionne sur la pile ou sur le branchement électrique. Là, il fait des clins d'œil. Oh, j'aime ça. Moi, je vais le laisser le même tout le temps. Puis en plus, il ne perd pas d'ampère. Il reste continuellement. Exactement dans la route. Comme la route 66, mais avant d'y aller. Dites-vous une chose. Ou deux ou trois. Vous pouvez vous dire n'importe quoi, là. Mais au moins une chose. C'est quand même impressionnant de voir des êtres qui se penchent sur les molécules. Les petites affaires qu'on voit pas à l'œil nu, même à l'œil habillé. Habille-toi pas là et toi là. Qu'il soit nu ou habillé. Parce que c'est une perverse, elle. Quand tu dis nu, là, elle dit, ah oui, c'est moi, c'est... Mais non, reste habillé. Là, c'est pas le temps. On est à la radio. Ben oui, c'est ça. Ils me verront pas. Ah. C'est positif. Mais oui, non, ce qui est négatif, c'est que moi, je vais te voir. Fait que reste habillé, s'il vous plaît. Non. Mais hey, les horreurs de la guerre, on les a connues. Puis quelle guerre? Tu sais, on place uniquement deux, la première puis la deuxième. La troisième est peut-être même arrivée sans qu'on l'ait nommée. Qui dit que toutes ces affaires-là, là? Mais quelle affaire, mais ces petites affaires-là? Mais quelle petite affaire-là? Ben, ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je... Hey, t'es-tu né dans la dernière pluie, toi? Excuse-moi. Non, mais tu m'emballes, toi. Tu m'emballes, tu me déballes. Tu m'aimes même... elle me met jamais de chou pour m'envoyer. Elle m'envoie de même. Ah oui, va-t'en. Ben oui, mais hey, mon chou, non. C'est pas moi qui vais dire mon chou. Prends-tu pour l'homme à tête de chou, toi, là? T'es loin d'être... Hein, quoique le végétal te va très bien. T'as la même... ouais, c'est ça. T'as les mêmes ampères cérébraux avec le légume. C'est pour ça que tu t'entends bien avec le céleri, le concombre, le navet, le radis. Un peu moins avec le chou-fleur, hein, parce que ça te rappelle tes oreilles, puis tu me dis, ah non, j'ai eu les oreilles en chou-fleur. Comment ça, les oreilles? Qu'est-ce que ça veut dire avoir les oreilles en chou-fleur? Parce qu'un chou-fleur, ça n'a pas d'oreilles. Ou si ils en ont, on les voit pas. Fait que t'as pas d'oreilles en chou-fleur, là. Ce que tu pourrais dire, sans blesser le maître, et je le mentionne souvent, juste pour me faire plaisir, puis savoir si les gens le connaissent. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes, quand je vais divulguer le nom, vont me dire, « Hey, il ne connaît pas! » Mais non. Je vis au Québec. Je vis à Québec. Je vis à un endroit, et là, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est moi, je l'ai choisi. C'est une longue histoire, là, mais on peut vous la faire courte. C'est la maison familiale. Donc, j'ai pas choisi l'endroit. Tu sais, la maison était là. Les occupants trouvaient ça super. La mère, le père était parti. Non pas pour travailler, mais pour l'autre zone dont il ne reviendra jamais. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be serving like California. Bushy, bushy blonde hair, serving USA. You'll catch him serving at Inside, Del, outside USA. Ventura County line. Teacher, we're serving USA. va tous passer par l'autre zone, faites-vous-en pas, là. Mais peut-être qu'il y a le plus compliqué, c'est t'sais, l'entre-zone. Puis William Burroughs en parle si bien dans ses livres de cette autre zone, dans Naked Lunch, version française, Le Festin Nu. Saviez-vous que Naked Lunch, si vous m'écoutez depuis 75 ans, 78, un peu moins, on peut descendre jusqu'à 6, on rajoute, en tout cas, depuis au moins 15, 16, 17, 18 ans, 18 ans, elle venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et je me suis dit en le voyant. Parce que c'est Dalida, là, c'est pas Rénal. Rénal, c'est... Elle venait d'avoir 18 ans, elle était belle, cette belle enfant. Mais là, il y a redondance, hein? Parce que je dis belle, cette belle enfant. C'est pas très bon, là, en littérature, en création, là. Ils vont me coller une faute, et c'est dû à cette anomalie que je ne gagnerai pas aucun prix. Il faut faire attention. La langue est frileuse. Comme janvier qui embrasse l'hiver. Comme la givre qui lèche la glace. Ouais, ouais, parce que lèche une glace, toi, là, sur du fer, ça risque de rester collé. Et c'est pas l'hiver qui reste collé. Qu'est-ce qui reste collé? Ben là, d'après toi, Yves Duteil a chanté la langue. Mais c'est pas juste la langue de chez nous, là. Puis, hey, avez-vous entendu? Ben, vous l'avez déjà chanté en communauté, tu sais, à un moment donné, là, t'as deux, trois belles soirées consécutives, puis t'as tout chanté, les chansons à boire, puis à déboire, puis à revoir, puis les chansons d'amour qui font pleurer, puis il reste celle-là. T'es accompagné de 3-4 Belges, 3-4 Français. Il faut bien s'accepter ici. 3-4 Suisses, 3-4 Africains, 6 Africaines. En tout cas, toute la panoplie. Pourquoi plus d'Africaines? Ben, ça, parce que pour mes yeux, c'est plus doux, c'est plus harmonieux, c'est plus harmonique. Bon. C'est moi personnellement, là. Et puis, ben en fait, tous ceux qui parlent français, dans tout le monde de la francophonie. Il y en a en Russie qui parlent français, là. C'est pas juste dans des endroits uniquement cloisonnés dans la francophonie. En Australie, il y en a des Français. Pas des Français de France, des Français qui parlent français. Donc, j'aime bien avoir... je tiens à dire que je n'aime pas bien. J'aime bien. C'est plus court, c'est québécois, puis ça veut tout dire. It works today. surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Si on me dit, ah, ben, on comprend pas, ben, là, on comprend pas. On comprend pas. Mais moi, je comprends. Les gens nous comprennent. On se comprend. Oui, on se comprend dans la même clique. Ça, là, c'est comme à l'université. Tu sais, il y a des petites assemblées, ouais, exactement, des micro-sociétés qui se forment. Puis, entre ces micro-sociétés-là, ben, il y a comme un lexique qui s'exprime et qui agit simplement et uniquement entre le groupe. On se comprend bien. Pas compliqué, là. Là, on est dans le primaire, là, l'élémentaire. Et l'élémentaire, oui, l'élément premier. Donc, hey, j'ai une chaleur, puis en plus, il y a un ventilo qui me... Ouais, j'ai deux ventilos qui me poursuivent, mais il y en a un qui est un peu anarchiste, et c'est lui que j'aime. Fait que reste anarchiste, là, envoie de l'air où tu veux, mais plus sur mon visage, s'il vous plaît, et sur ma sueur. Parce que je suis, mais ça, à la radio, on... Pour les grands annonceurs ou les grands maîtres de la radio, bien sûr, là, on est en train de se dire, on parle pas de soi, là. On parle pas de soi. Quoique, quand on parle de nous, on touche les autres. La généralité, souvent, noie le discours. Parce que c'est simple, tu sais, tu vis les mêmes choses que n'importe qui, là. Sauf moi, parce que je me considère entre l'extra et l'intraterrestre. Donc, si je suis entre le haut et le bas, je suis dans le milieu comme vous autres. Pas fou, hein? Non, mais j'ai l'air, parce que j'ai une coiffure un peu folle. J'ai un masque un peu fou. Ben oui, un masque. On peut se vanter sans être à Rio. Pas la chanson de Rio, Rio Grande, celui de mon ami Eddie, ou l'oncle Mitchell. Hey, oncle Mitchell, chante-nous ta chanson. Laquelle? Parce que c'est la voix de Mitchell, traduit, doublé en français, en québécois. Pas en français, mais en québécois. Parce que nous avons des québécismes que certains ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il y a souvent de l'intérêt pour l'autre. Hein, vous ne parlez pas comme nous autres. Mais non, non. Vous non plus. Non, mais vous autres, vous nous comprenez davantage. Ben oui. Ben oui, parce que nos films, là, quand ils sont là-bas, sont sous-titrés. Et c'est une abomination. Sous-titrer un film francophone du Québec, c'est inacceptable. Est-ce qu'on sous-titre les films suisses, les films belges, les films français au Québec? Mais non, comme si ça coulait de source. Ah ben c'est certain, moi, je peux vous le dire pourquoi, moi là. Ah, non, mais je suis pas un historien, moi, non. Ah, non, moi, je suis un moins que rien. Mais c'est parce qu'on a été colonisés. Eh, j'aime ça, ce mot-là, colonisé. Colonisé. Surtout comme lui, il dit. Vous dites comment, monsieur? Colonisé. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, colonisé? Ben, colonisé, c'est que les gens sont venus chez nous pour prendre, pour s'acquérir d'un territoire. Puis pas juste une fois. Pas juste deux fois. On nous fait croire trois fois, mais je pense que c'est au quotidien. Et le Québécois est beau dans sa candeur, puisqu'il accepte, se plaît à en parler pour au moins ouvrir, pas les intérêts, là, mais ouvrir les horizons. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Excitations. nowhere, but she sends me there. Vibrations of heaven and weather. Gotta keep those love good. Vibrations of heaven and weather. Gotta keep those love good. Vibrations. Oh. I get around. On est ici pour ouvrir. On est des déboucheurs. Débouche-toi ça. Hey, débouche-toi la francophonie, toi. Ben, je vais essayer, mais j'ai pas le débouche. OK. OK, t'as une bouche. Ouais, mais pas des bouches. Ouais, mais là, des bouches, faut juste faire une réunion, puis tu vas en avoir des bouches. Non, mais un débouche. Ah, ben là, c'est pas la même chose, là. Débouche, une bouche. Débouche, hein, c'est plein de choses qui veulent dire presque la même affaire, mais ça veut pas vraiment se coller au lexique premier de ce que ça veut dire. When I grow up to be a man, will I dig the same things that turned me on as a kid? Will I look back and say that I wish I hadn't done what I did? Will I joke around and still talk around and still dig those signs? Dance, dance, dance right there. The spot's really hot. show up last. I play it cool and slow and jump in. Je sais pas. Ça va bien? Ah ouais, je sais pas. Non, je suis bloqué là, je sais pas. OK, c'est où ça, je sais pas? Ah ben, je suis content que tu me le dises. Parce que on me le demande souvent. Où est-je pas? Je peux te le raconter. As-tu le temps? Ah, moi, j'ai le temps. Pour les gens d'esprit comme toi, là, t'as l'air intelligent. Ah, moi, intelligent, là, on me l'a mentionné régulièrement à l'école. T. Est-ce qu'on dit intelligent? Non, ils m'ont dit thé. Ils m'ont dit thé. Est-ce qu'ils t'ont dit aussi café? Ah, non. Chocolat chaud? Non. Soupe au chou? Non. Ils t'ont dit thé. Thé, oui. Go! I'm gonna wake you up early, cause I'm gonna take a ride with you. We're going down to the Honda shop, I'll tell you what we're gonna do. Put on a ragged sweatshirt, I'll take you anywhere you want me to. First gear, it's alright. Second gear, a lean ride. Third gear, hang on tight. Faster, it's alright. It's not a big motorcycle, just a groovy little motorbike. It's more fun than a barrel of monkeys that two-wheel bike. We'll ride on out of the town to any place I know you like. First gear, it's alright. Second gear, a lean ride. Third gear, hang on tight. Faster, it's alright. It climbs the hills like a matchless, cause my Honda's built really light. When I go into the turns, hell you'd be and hang on tight. I better turn on the lights so we can ride my Honda tonight. First gear, it's all right. Second gear, a lean ride. Third gear, and go faster, faster, faster. It's all right. First gear, it's all right. Second gear, a lean ride. est ton nom? C'est Alain Mismois. OK. Qui? Alain Mismois. Ah oui. Et? Et je vis depuis longtemps sur cette terre. Oui. Et je suis presque heureux. Oh! Là, c'est intéressant, là. Tu viens de dire... est-ce que je peux te tutoyer? Ah oui, oui. Oh, mais tu peux me tutoyer, m'écrire, hein? M'appeler par mon prénom. Et votre prénom? Ah, je préfère pas le dire en non, je ne préfère pas. Non, c'est... Mais c'est moi. OK. Alors, on va t'appeler toi? Oui, c'est moi. Alors, comme la chanson de Élie Medeiros. Qui? Élie Medeiros. Moi? Oui, elle s'appelle pas moi, elle s'appelle Élie Medeiros, mais elle fait une chanson, c'est « Toi, toi, mon toi, toi », ça fait longtemps que je n'ai pas diffusé celle-là. « Toi, toi, mon tout, mon toi, toi, toi, mon toi, toi, toi, mon tout, mon toi, prends un petit poisson, glisse-le entre tes jambes, il n'y a pas de raison pour se tirer la langue, ne me regarde pas comme ça, tout de travers. » Mais moi, je ne suis pas Élie Medeiros, donc ça donne pas vraiment la belle saveur qu'elle peut amener. C'est ça l'interprétation. C'est bien beau connaître la chanson, là, comme à l'école des fans. Avez-vous connu l'école des fans, vous? Ah, mais mon Dieu, l'école des... Mais ça ferait du bien, hein? C'est fans ventilateurs? Non, non, c'est fans... non. Ah, c'est bien, c'est drôle, hein? Ça fait rire, là. Mais non, c'est fans dans le sens de personnes qui adorent un artiste. Ah, oh, des fanatiques! Oh! Exactement. Non, mais je connais des fans, je connais des... Aimez-vous quelqu'un? Ben oui, j'aime mes trois amants et plus vraiment mon mari. C'est pour ça que j'ai demandé à mon deuxième amant qui, lui, est électricien. Oui. J'ai demandé de me préparer une belle chaise électrique. Oh mon Dieu, pour? Ben pour disposer mon mari. Histoire de l'électrocuter, mais pas le tuer, là, juste le remettre au monde, parce que lui, il est devant sa télé, il est devant sa bière, c'est croustillé, tu sais, il vit plus, là. Heureusement qu'il n'y a plus de hockey, il n'y a plus de sport, ou presque pas, mais il regarde des anciennes, il y avait des films, ben pas des films, mais des documents VHS, puis plus de bêta, parce que il s'est acheté un vieux bêta dans les années 80, à cause d'un vendeur qui était vraiment très brillant et perspicace. Parce que Sony, ben on la lance, là, c'est une compagnie, avait fait des bêtas, mais n'a jamais voulu vendre ses droits. Et c'est pour ça que le VHS a pris le dessus. Mais la meilleure machine, comme on peut l'exploiter comme ça, la meilleure machine sur le marché était le bêta. Pas la première prise, et on dit, ah ben ça c'est un bêta, mais on va l'améliorer. Non, mais la cassette était plus petite. Quand tu faisais arrêt sur image, ça sautillait pas si tu avais un 4 têtes. Mais moi, j'en ai juste une, ça sautillait en Saint-Simonac, moi je voyais plus rien. Non, non, non, non, non, pas votre tête, mais c'est les têtes du vidéo. Ah, ça commence à être compliqué, ça, dit-il en se gratouillant la barbe. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Ba ba ba ba ba ran, oh ba ba ba ba. a dance, looking for romance. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Really rocky. Yeah. Really scratching it, isn't it? Scratch it, Carl. Scratch it. Over there. Oh, down lower. Soft. Tried. Tried Betty Lou. Tried Betty Lou. Tried Mary Lou. But I knew she wouldn't do it. Barbara Ann, Barbara. Try one more time. You got it. Rocking and rolling, rocking and reading, Barbara Ann, Barbara Ann. Let's try it once more. One more time, right? With more artistic flavor. I'm, you got me rocking and rolling, rolling, Barbara Ann. Aujourd'hui, le lundi 10 août 2020, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée, ah oui, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'auteur, compositeur, interprète psychédélique, c'est ce que j'aime, psychédélique, Arnaud Boitel. Donc, aujourd'hui, soyons heureux de rencontrer Arnaud, voici Monsieur Rock Psychédélique, et c'est sublime, Arnaud Boitel. À toi l'artiste. Thank you. qu'il n'avait pas le temps de faire de musique. Avant, il avait quelques groupes plutôt punk aussi. Oh, ok. Et puis bon, après, il a arrêté. Il a fait une carrière d'ingénieur du son. Il a pris des cours, etc. Et c'est là qu'il m'a demandé, en 2017-2018, si on pourrait pas faire un truc ensemble. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas, spécialement. C'est vrai. En plus, c'est une opportunité et des frais de moins. Hein, quand cousin, c'est... Puis tu as une oreille beaucoup plus intéressée, puisque ça reste dans la famille. Le son de cloche, puis c'est moins gênant de dire à son cousin, ce bout-là, tu devrais le retravailler. Quand c'est des étrangers, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et puis bon, les étés, on marche tous les deux à la maison de famille. On parle de musique, on bosse. À part ce monsieur, est-ce que dans ta famille, c'est des musiciens ou... Oui, alors il y a de la famille éloignée, mais du côté de mon cousin, il y a un accordéoniste qui est décédé depuis. Okay. Ensuite, mon grand-père, lui, il jouait du violon, de l'harmonica. Ah oui. Voilà. Et puis, par oreille, là. Comment? Est-ce que c'était par oreille? Oui. Et puis bon, il y a mon père aussi. Mon père, il faisait de la guitare. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu ce que tu entendais à la maison qui t'a intéressé, et surtout ce que tu écoutais quand tu étais ado. Et là, tu voulais faire quelque chose. Il y avait quelque chose qui frétillait sur tes doigts. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que c'est plus difficile d'écrire puis de prendre la guitare, ou si c'est de moins en moins compliqué parce que tu commences à connaître ton style, à connaître... Je pense que c'est moins compliqué, en fait, parce qu'il y a même des idées que j'avais il y a quelques années que j'ai pas pu enregistrer. Pourquoi? Parce que j'avais d'autres morceaux, du coup j'ai pas pu tout faire. Tu les as mis en veilleuse. Voilà. Okay. Et puis j'avais pas de quoi enregistrer non plus, ou j'avais oublié complètement. Et du coup là je me suis rappelé des morceaux. Est-ce que c'était sur des genres de petites cassettes, là, ces enregistrements-là, ou si tu écrivais la musique? Ah, c'était une petite cassette. Ouais. OK, ouais, les cassettes. Voilà, oh, oui. Voilà. Ah ouais, les quatre tracks, là. Voilà. Ah ouais. OK. Et puis après, ensuite, j'ai commencé à les réécouter. Et voilà, je me suis dit, mais c'est vrai, il était bien, ce morceau. Alors, ça te surprend encore de t'écouter. Oui. Parce que tes débuts, c'est quand même ce qui t'a amené aujourd'hui à ce que tu es. Ben oui. Et quand on est surpris de voir ce qu'on a commencé, au moment où on a commencé, on était déjà à un bon degré. Donc, tu dis, j'ai bien progressé. Ben oui. Est-ce que ça t'arrive de réécouter tes pièces, ou si tu fais ça assez rarement? Celui-là, oui. Okay. De temps en temps, c'est surtout pour voir au niveau du son du vinyle. Et tu critiques? Es-tu beaucoup critique en disant, ça, j'aurais pas fait ça de même, pourquoi je l'ai joué comme ça? Non, je me dis, c'est enregistré. C'est arrêté, c'est fait, c'est ça. On passe à autre chose. OK. Ouais. Mais sur scène, là, tu peux modifier. Ah oui, voilà. Ouais. Par exemple, il y a un morceau qui est sur cet album, qu'on fait durer une dizaine de minutes sur scène, où on joue sur Who Do You Love de Bo Diddley. Ah oui. Voilà. Et où je fais partager mais les gens, est-ce qu'ils la reconnaissent, oui, la chanson? Non, parce que c'est juste la rythmique à la Bo Diddley. Mais ça leur dit quelque chose, pour ceux qui sont intéressés. Certains. Il me semble qu'il y a quelque chose qui m'accroche, là. Est-ce que les gens sont très attentifs lorsque tu fais des spectacles, quand c'est du progressif? Oui. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah, c'est psychédélique, c'est progressif, c'est bien. » Et puis bon, il y a aussi, après pour l'enregistrement, le directeur de Nasoni Records m'avait dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de batterie, c'est des percussions. Et c'est quelque chose d'assez authentique. Ça te démarque un peu des autres. Voilà. C'est une signature que tu as voulu exploiter. Voilà, voilà. Mais si tu n'as pas mis de batterie, c'est-tu simplement parce que tu n'avais pas de batteur ou tu ne voulais pas en mettre de batterie? Aussi, ben, un peu des deux. Des deux, ouais, OK. Et puis bon, vu que je suis percussionniste aussi, je me suis dit, ben, je vais faire les percussions. Mais sur scène, comment ça se témoigne quand tu joues plusieurs instruments chez toi? Comment tu peux le faire sur scène? Ben alors, en fait, moi, je fais juste le chant et la basse. Ouais. Et puis le guitariste, mon cousin, le batteur, ils font un peu, on réarrange les morceaux. Quoi. Puis ils mettent aussi leurs couleurs, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais. Après, sur scène de cet album-là, on fait que deux morceaux. Et tout le reste, c'est que du nouveau de 2019. Du nouveau de matériel. De ce qu'on a fait ensemble. Est-ce que tu envisages, à un moment donné, de faire un album live? Ouais, ça me... Ou alors un double album, live. Partie live, okay, okay, partie studio, ouais. Comme Uma Buma de Pink Floyd. Ouais. Voilà. Et puis, à quel moment tu vas te sentir prêt à proposer cet album live-là? Dans quelques années. Tu vas avoir plus de matériel ou tu vas être plus préparé? Quand on sera peut-être plus sûr de nous. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est enregistrer un live, mais qu'avec des morceaux inédits qui sont dans aucun album studio. OK. Mais tu veux les travailler avant pour qu'ils se sentent, qu'ils se jouent plus facilement. Parce que album studio, ben après, quand tu le fais sur scène, c'est autrement. Mais si les chansons n'ont jamais existé, puis elles sont jouées live, ben là, ça donne une autre vision. Voilà. C'est ça, que un peu comme avait fait John Mayall dans l'album The Turning Point. Oui. En 69, en fait, il a fait que des morceaux inédits qu'il a joué en live. Du coup, ça a été enregistré pour l'album live. C'est un peu aussi comme Frank Zappa dans un métro avec avec un xylophone. Là. Est-ce que tu te souviens de cet album-là? Dans un métro, je pense que c'est en 68, 69. Oui, ça me dit quelque chose. Et puis, il a enregistré là, sur place. Ouais. Et c'est un peu ça que tu veux faire. Oui, voilà. Ouais, ça. Je me souviens de ça. Ah oui, hein, c'est pas mal. Oui. Parce qu'on sent aussi les gens qui marchent, les gens qui... Oui, je m'en souviens. Ben oui, c'est un peu ça. Ouais. Oui, voilà. Est-ce que tu es un bosseur de plus en plus? Parce qu'on sentait peut-être en 2015 que tu laissais aller la vie puis que tu attendais que les opportunités arrivent. Mais là, maintenant, on voit que tu te sens beaucoup plus imprégné, plus prêt à foncer, à aller de l'avant. Ça dépend. Je viens de trouver le truc. En 2015, je te sentais plus amorphe au niveau de la musique. Là, je te sens plus vif, plus... C'est le fait d'avoir signé... En disqué avec une très belle maison de disque. Ouais. C'est ça qui a tout... Changé. Ouais. Ça a déclenché une espérance. Voilà. Même les amis, etc., les disquaires qui me connaissaient, ils ont senti que, oh là là, ça y est. Là, c'est sérieux, là. C'est, ouais. Oh, ouais. Est-ce que tu vends beaucoup si c'est quand même assez timide? Est-ce que les disques se vendent quand même assez bien pour l'industrie du disque là, qui se meurt aujourd'hui là, avec les MP3? Puis, Ouais, ça se vend un peu difficilement. Sur Paris, c'est, en France, c'est difficile. Par contre, je sais que j'ai des retours sur Facebook. Il y a pas mal d'Américains, d'Allemands, Hollandais, Pays-Bas qui achètent le disque. Et puis, là-bas, je passe à la radio aussi. Ça aide. Il y a des petites chroniques d'albums aussi. C'est, Alors, ton nom est cité quand même assez souvent pour un travail, comment dire, singulier que tu fais. Voilà, ouais. Ouais, c'est plus vivant là-bas. Est-ce que tu te sens flatté? Écoutes-tu ce genre d'émission-là pour savoir si tu es joué ou si on t'envoie des waves pour te faire écouter l'émission de radio qui t'a diffusé? Comment ça... Oui, de temps en temps, j'ai des retours. On m'envoie le lien, toujours. Je regarde, j'écoute. Est-ce que tu te sens flatté des fois de jouer à travers du Frank Zappa, du Peter, du Pink Floyd et... Ouais, c'est quand même flatteur. Et oui. C'est le fait de. Oui, c'est comme une suite et en même temps d'avoir son propre style. Oui. Tout en étant influencé par pleinement. Voilà, par le. Mais tu vois, c'est ça que je te disais au début, tu as une signature. Comme Frank Zappa avait une signature, comme Jimi Hendrix avait une signature. Voilà. Donc toi, tu as quand même mis. Un son à ton style. Oui. C'est surtout par rapport aux percussions, etc. Puis même, Et ce que j'avais peur au départ avec mon cousin, le batteur, etc., c'est que ça devienne trop... pas trop ordinaire, mais trop comme tout le monde. Ah ouais, c'est ça, OK. Et globaliser ta musique, là, la rendre un peu au son du moment. Là. Et j'ai eu des retours d'amis qui me disaient bah, sur scène c'est génial parce qu'il y a la batterie, etc. Mais sur disque, c'est important que tu continues tout seul avec les percus parce que ça donne quelque chose de complètement différent. Et c'est quelque chose qui n'a pas été fait un million de fois. C'est vrai, sur la maison de disques Nasoni, j'ai écouté et beaucoup, c'est voilà, batterie, basse, guitare, toujours à la Hendrix, à la Led Zepp, etc. On sent les influences. Arco, il m'a dit, le directeur, quand j'écoute ce que tu as fait, c'est quelque chose de multicouche. On ne s'ennuie pas, chaque morceau est différent et le fait qu'il y ait les percus, c'est authentique. Et... Alors c'est flatteur. Voilà. C'est flatteur. Oui. Est-ce que tu t'en vas dans cette continuité-là sur le son que les gens veulent entendre? Ou si tu es libre et tu fais ce que tu veux et si ça touche et si ça te plaît, ben tant mieux. J'essaie de faire un... Comment on appelle ça? De voir pour que les gens aiment bien, mais que moi, ça me... Alors, tu es à l'écoute des deux, de toi et du public. Ouais. J'essaie de faire un compromis, mais avant tout, ce que j'aime. Comme ça fait très longtemps, j'ai 10 questions de la fin et j'ai hâte de voir si ça va se ressembler avec autant d'années. Si tu étais un liquide... Attends, j'ai pas compris. OK. Alors, je vais te poser 10 questions. Ouais. Et tu me réponds un peu. Là, alors, si tu étais un liquide. Un liquide. la vodka. Ah oui, t'aimes la vodka? Ouais. Mais ça cogne un peu. Là. Ouais. OK. Donc, c'est pour ça que... Ouais, tu relaxes un peu. Ouais. T'en bois quoi assez souvent pour le plaisir? Non, pour le plaisir une fois de temps en temps. OK. Voilà. Alors, t'es fort sur la vodka. Voilà. Tu sais. Bon. Si tu étais une langue... Non, une ville. Si tu étais une ville. Une ville? Alors là, c'est difficile. Peut-être Clermont-Ferrand. OK. Ouais. Est-ce que tu as déjà joué là-bas? J'ai jamais joué, mais je cherche des dates. Mais est-ce que c'est un endroit où les gens aiment bien le progressif ou c'est plutôt la pop francophone? Alors, il y a beaucoup de folk okay. Musique, ouais. Pop aussi. Après, ils sont assez ouverts par rapport à tout ce qui est un peu paysan, mais folk progressif. Ouais. Je pense que ça peut leur plaire. Et as-tu des gens qui travaillent pour toi, histoire de creuser un peu le sillage, puis de trouver... Ben, pour le moment, je suis tout seul. OK. Après, je sais qu'il y a une maison de disques, un petit label qui s'appelle Koutou Folk, okay. là-bas. Ouais. Et en fait, ils font aussi des vinyles, musique folk, psychédélique, pop, etc. Ah, OK, mais c'est ton style. Hein. Voilà. Et, tu vas aller proposer un peu ce que tu fais. Oui, oui, oui. Et apparemment, leur pochette est cousue à la main. Ah oui? Ah, c'est ouais, très artisanal. Oui, oui, voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà. As-tu déjà vu de ces disques-là? Non, okay. non. Là, je vais aller les voir. Ah oui, tu vas aller les voir. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, ben c'est bien. Ça, tu vas aller en vacances, mais aussi tu vas aller pour le boulot. Ben oui, voilà. Ouais. Je vais leur amener un disque aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Ben écoutez, puis vous verrez. Oui, oui, oui. Ah, ben c'est bien. Si tu étais une époque... Une époque, les années 70. Ben oui. Ah oui, c'était toujours... Woodstock. Oui, voilà. Ouais. Si tu étais une langue... Une langue... Anglais. Ouais. Pourquoi c'est plus facile? Ouais, c'est une langue universelle. J'écris beaucoup aussi en anglais. Et... Pourquoi tu as utilisé l'anglais au lieu du français? C'est ta langue maternelle? Non, en fait, mais c'est pour... déjà, parce que le rock, très souvent, c'est la langue anglaise, en fait. Maintenant, je commence à écrire aussi un petit peu en français. Mais après, c'est vrai que la langue... On peut faire du yaourt, ouais. Si la personne aime la musique, ça ne changera pas, il n'y aura pas de problème. Mais bon, après, ouais, l'anglais, c'est un petit peu pour se faire comprendre. Le côté international. Voilà. Ouais. Si tu étais un mot. Un mot. Cosmique. Ah oui, ben oui. Ouais. Ben oui, c'est le côté... Pour s'évader, Ouais. Es-tu un être cosmique? Ouais. Oui? Oui. Ouais. Et puis comment tu travailles pour être de plus en plus cosmique? Qu'est-ce que toi t'es un peu vaporeux, t'es pas de terre à terre? Disons que finalement je me rends compte que notre être doit faire un avec l'univers, les particules, ouais. La nature, etc. Donc, il faut essayer de ressentir ça, de faire un avec la nature, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est non forgé par l'homme. Enfin, est-ce que tu étais rêveur, un enfant rêveur? Aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Et ça t'a aidé jusqu'à présent à surmonter les effets plus difficiles de la vie? Alors au départ, ça ne m'a pas aidé du tout. Non, ok, au contraire. Ouais, ça t'a ouais, aidé. Ouais, ouais. Et en fait, ça m'a aidé à partir du moment où j'ai commencé la musique. Tu t'es senti à l'aise là-dedans? Ouais. Le côté rêveur et musical, c'est... Voilà, ouais. Ouais, ouais. Si tu étais un aliment? Un aliment? Les lentilles. Ah oui? Ouais, okay. J'aime beaucoup les lentilles. Et surtout, c'est frais quand il fait chaud. Voilà, voilà. Ouais. Voilà, et puis ça, il y a du fer, c'est bon. si tu étais une saison. Une saison, le printemps. Le printemps. Parce que c'est là où ça bourgeonne, ça, c'est la genèse en fait de l'été. L'été c'est bien aussi, mais des fois il fait trop chaud. C'est quand même lourd. Ouais. Le printemps c'est le renouveau. Voilà. L'hiver est terminé, donc on relève. Voilà. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel, les oreilles. Ben oui. Ouais. Ben oui. Récemment, j'ai regardé un peu les plans d'oreilles internes, etc. C'est fou, hein. C'est intéressant. Ah ouais. Une espèce de coquille, escargot. Puis surtout quand tu sais que tout ça c'est greffé au cerveau et ça donne des sensations. Voilà. Et puis il y a une espèce de liquide qui fait que on a aussi on tombe pas, on soit en équilibre. C'est quelque chose de passionnant. C'est complexe, hein? Ouais. L'œil aussi très complexe, l'oreille. Si tu étais un membre corporel. Bah, tu l'oreille, excuse-moi. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée. Moi c'est le matin. Le matin. Je suis très matinal. Ah oui? Est-ce que tu te couches tard? Pas forcément. On va dire que je me couche vers les minuit et demi, mais je me lève toujours entre 6h et 9h du matin. Mais j'aime bien me lever tôt parce que, comme on dit, il y a un proverbe qui dit que la journée appartient aux gens qui se lèvent tôt. L'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Et je me dis, en me levant tôt, je vois un peu le soleil qui se lève. En plus, j'adore manger mes tartines avec le café, etc. J'aime bien manger. Alors, tu dors, mais ça paraît pas, tu vois. Non. Mais tu dors pas? J'ai un peu de mal à dormir. Et puis, des fois, je vais m'endormir complètement, mais j'ai un peu de mal à dormir. Si tu étais un autre individu. Hein? Un autre individu. Un autre individu. Un écrivain. Oui. Ouais. Un tête ou n'importe quel écrivain. Alors, j'aurais bien dit Philippe K. Dick. Mais le problème, c'est que il y avait quand même des petits problèmes niveau parano, par rapport à la CIA. Enfin, j'ai vu un reportage où il était, il avait un petit peu peur de la police, etc., dans les années 70. Donc, il n'était pas à l'aise. Donc, j'aimerais pas être à ça. Oui, c'est ça, mais les créateurs sont quand même assez pris dans leur monde. Hein, donc, ils ont plein de petites complexités comme ça, psychologiques. Si tu as choisi, est-ce que tu ferais le même chemin? Et tes projets. Si on se rencontre encore dans quelques années, tes projets, c'est de travailler encore la guitare, d'écouter beaucoup de musique, de BD, de lire. En plus de ça, voyager un peu plus, parce que c'est vrai qu'avec l'argent, il faut que je travaille un peu plus, on va dire, pour boulot alimentaire, pour partir un peu plus en vacances. Parce que, entre-temps, j'ai fait un super voyage à Pompéi, la cité de Pompéi. C'était génial. Combien de temps? Une semaine. J'étais à Naples, en fait, j'ai passé un jour à Pompéi. D'ailleurs, la pochette, c'est Pompéi. OK, mais c'est ta photo à toi? Kaléidoscope. Est-ce que c'est toi qui as fait la photo? Oui, okay. Voilà. Et ça, c'est ma blonde qui a fait la photo. Ah oui. Mais est-ce qu'elle est photographe? Non, mais elle fait beaucoup de photos parce qu'elle fait des vêtements. Ok. Elle fait des vêtements. Styliste. Voilà, voilà. Elle fait des choses plutôt vintage. Tu portes ces vêtements actuellement? Non, okay. Non, non. Non, ça, c'est les friperies. Ouais, ouais, ouais, ok, ok. Mais bon, elle fait des vêtements. Elle achète beaucoup de tissus. Et puis avec sa mère aussi, qui fait des vêtements, des costumes pour le théâtre. Okay. Elle fait ses propres vêtements, quoi. Est-ce que tu veux éventuellement qu'elle te fasse des vêtements scéniques pour le spectacle? J'aimerais bien, ouais. Ouais, moi, j'aime bien tout ce qui est chemise un peu... fleurie? Voilà, c'est avec des manches qui font un peu évasées. Qui bouffent, voilà. Ouais, bouffant, là, ouais. Voilà. Bah, c'est comme le pantalon. Ah, ouais, exactement, ouais, un quelque peu chose. Pas de def. Mais c'est plus à l'aise aussi pour jouer. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis c'est beau. Oui, oui, c'est bien. Et tes projets musicaux, c'est de faire la même chose, c'est de, comme on disait, c'est de. Continuer déjà, ouais, je pense que j'ai trouvé mon style, vraiment, ouais, ouais, là. Ouais. Et puis de continuer à écrire, composer des belles chansons avec des textes fantastiques, merveilleux. Qui te passionnent et passionnent voilà, les autres. Voilà. Dans le style progressif, psychédélique, etc. Et tu veux rester encore dans le psychédélique un peu, comme tu disais, là, alternatif. Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est un milieu où tu te sens plus à l'aise que voilà, n'importe quel autre. Voilà. Ouais. Ouais. Ben, merci d'être passé à mon émission. Ben oui, ah, c'est enregistré? Ben oui, c'est enregistré. Ah ouais, je me dis... Ah, ok, tu pensais que j'allais partir mes trucs? Ouais, parce que la dernière fois, oui. On avait fait un petit... Non, c'est très rare que je fais ça. Non, j'ai commencé. Parce que je me suis dit, on parle, mais du coup, j'aurais plus rien à dire. C'est ça, ben oui, non, c'est là. Ben c'est très bien. Ben oui, c'est bien. Ben oui, mais quand je te posais les questions, tu savais pas que ben, tu te doutais. Ben ouais, c'était comme si on était... Ok, tu croyais que j'allais faire, un petit briefing non, avant pas du tout. D'enregistrer. Jamais. Ah, c'est pas mal. Ah, ben hein? C'est génial. Ah, ben oui, mais c'est le but de la manœuvre aussi, ben oui. Là, c'était vraiment... Live. Naturel, c'était... Oui, très naturel. Ah, ouais. Ben c'est ce que je veux aussi. Ouais, ouais. Et voilà. Ben ça m'a fait plaisir. Ben de rien. Ah, c'est surprenant que ce soit terminé quand tu croyais que ça allait commencer. Ben oui. Ah, ben voilà, c'est comme le film Memento. As-tu vu le film Memento où on commence au milieu du récit? Ouais. Ben voilà, on était dans Memento. Oui. Ben ouais. Ben merci, hein. Ben de rien. À la revoyure, puis j'espère que tout ça va t'amener sur scène et j'espère te voir sur scène à un moment donné. Ben oui. Mais l'été, c'est plus tranquille pour toi. Ouais, là, c'est le repos et puis d'ici septembre, on aura quelques dates ici, puis peut-être à Berlin. On m'a proposé un festival à Mexico. Okay. Ah oui? Un festival de 3 jours de rock psychédélique, mais au Mexique. Quand? Alors normalement, ça devait être au mois de mars, et mais ça serait pour l'année prochaine. Okay. Alors tu vas accepter? Je pense. Après, on est les seuls, c'est que des groupes du Mexique. Okay. Mais bon, là-bas, il y a des chroniques d'albums qui sont sorties. Enfin, apparemment, ils sont fans. Ah, mais c'est génial. Ouais. Alors, c'est au mois de mars. Voilà. Une histoire à suivre. Voilà. Et surtout le live, on attend un live. Ah oui, le live. Ah oui. Ah, ouais. Ah, mais c'est super. Bah, mais écoute, à l'art voyeux. Bah oui, salut, ça marche. Merci. Salut. Valentine. I see you, I know you. Love like a man. I love when your heart will move. Take me back home, baby. Take me back home, baby. Everything you want is in my heart. I love when you're hot with me. Take me back home, baby. Take me back home, baby. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.